14h19 à Radio X, moins 1 degré à Saguenay. Ça fait quelques semaines une idée qui se germe tranquillement, pas vite, qui germe au Lac-Saint-Jean, dans le coin de Delbault-Mistassini. Mm-hmm. Si je ne m'abuse, l'élément déclencheur a été le fait qu'il y a plusieurs municipalités au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont décidé, dans les dernières années, d'honorer des citoyens émérites qui viennent d'ici, qui ont grandi ici, qui sont fiers de mentionner régulièrement qui viennent soit du Saguenay, soit du Lac-Saint-Jean, dans diverses municipalités. Et à Delbault-Mistassini, celui qui est probablement le plus connu de cette ville-là, c'est Mario Pelcha. Chanteur bien connu des années 80-90, qui est toujours en activité, fait des spectacles avec sa clientèle, puis même que dans Midi-Pile, il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, 2 mois, on l'a reçu sur nos ondes également. Absolument. Puis, regarde, c'est pas une question de savoir est-ce que vous aimez, est-ce que vous écoutez régulièrement les tunes de Mario Pelcha. Faut pas semblant qu'on est des gros fans, moi pis toi, là. C'est de savoir, puis de reconnaître que ce gars-là a une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies avec des grands succès, qui est un bon ambassadeur de la région aussi. Et un citoyen de Delbault-Mistassini, Danny Veilleux, qui est également du site Dan Radio Sport, oui, qui a décidé de prendre ça en main et de mobiliser la population pour tenter d'obtenir quelque chose au nom de Mario Pelcha là-bas. On va aller rejoindre Danny. Salut, Danny. Salut, Simon. Salut, Fred. Comment salut. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Un peu remis mes émotions d'hier. Je vais te dire une affaire un petit peu déboussolé. Ouais, mais justement, t'as l'air shaky, mais à base, là, de vouloir rendre hommage ou de souligner l'impact d'un gars de la place comme Mario Pelcha, comment ça a commencé et comment tu t'es fait recevoir hier? Ben, ça a commencé, écoute, dans le cadre de mes fonctions de journaliste sportif, Fred et Simon, j'ai été appelé à couvrir l'événement de Marianne Saint-Gelais à Saint-Félicien il y a quelques semaines, au centre récréatif de Saint-Félicien. Et on sait que maintenant, le centre récréatif porte le nom, le centre Marianne Saint-Gelais. Donc, moi, je trouvais l'idée très intéressante. Je voyais la population, quand même, qui était fière de Marianne. Marianne était fière également de représenter Saint-Félicien. Et moi, par la suite, tout bonnement, en parlant avec un de mes amis, j'ai dit, ce serait le fun, Delbault-Mistassini, de faire un peu la même chose, de un peu honorer comme Saint-Félicien fait avec Marianne Saint-Gelais. Et là, on s'est posé la question, qui pourrait représenter ou qui mériterait soit un nom d'édifice, un nom de rue ou encore peu importe. Et évidemment, le nom de Mario Pelcha est arrivé tout de suite. Parce que Mario Pelcha, premièrement, écoute, ça fait 35 ans. Là, en 2016, il va célébrer son 35e anniversaire. Ouais. Deuxièmement, écoute, vous savez comme moi, Simon et Fred, que dans le domaine musical, c'est pas facile de durer 35 ans dans le domaine. Ben non. Et Mario Pelcha, deuxièmement, a été populaire dans les années 80, était populaire dans les années 90, toujours populaire en 2000. D'ailleurs, il vient tout juste de gagner un disque d'or. Dans les années 2015, d'un disque d'or avec les Spotify, les Apple Music et ainsi de suite, il faut le faire. Donc là, par la suite, j'ai lancé tout bonnement l'idée sur les médias sociaux, sur Facebook. J'ai dit, ce serait le fun, ce serait agréable que la ville de Delbault-Mistassini honore Mario Pelcha. Et c'était tout simplement bonnement comme ça. J'ai dit, d'accord, partagez mon statut ou encore likez. Mais je t'arrête tout de suite parce que là, on a parlé, bon, avec Marianne, un édifice sportif, ça fit, mais comme tu disais, là, juste dans le concret, ça fait un bout, j'ai pas été à Delbault, là, mais... Quelle salle, quelle bâtisse, quel boulevard qu'on nomme à l'honneur de Mario? Ben moi, j'avais pensé, écoute bien, moi ce que j'ai ma position là-dessus, ce sera à la municipalité de décider de qu'est-ce qu'on voudra honorer. Évidemment, on a une salle de spectacle que ça fait pas tellement longtemps qu'il est là. Par contre, oui. est commandité par la salle des Jardins, également Rio Tinto. Okay. Donc ça, je voyais ça comme un petit peu problématique. Il y avait peut-être une statue également à l'arrivée ou encore de la salle de spectacle ou encore à l'entrée de la salle de spectacle que je voyais également intéressante. Et bon, je me suis dit, garde, ce sera aux gens de décider pourvu qu'on honore Mario Pelcha pour sa carrière et également le fait qu'il ait mis Delbault-Mistassini sur la map. Hein. Écoute, il a jamais renié ses racines. Il a toujours dit qu'il venait de Delbault-Mistassini. Par la suite, il s'est produit dans des grandes scènes à Notre-Dame de Paris, en France. Il est très populaire encore au Liban. Et du côté de son éthique ou encore de sa conduite, je pense qu'il n'y a rien de majeur qui pourrait empêcher ça. Ouais, à part sa conduite automobile à une certaine époque, là, mais... Ouais, mais Simon, là-dessus, je te dirais Mario Tremblay, Alma, puis il y a encore son centre Mario Tremblay, là. Ouais, puis on a ici le centre d'excellence, Marc Gagnon, puis le patinage de vitesse. En tout cas, un coup qu'on dit on veut faire de quoi, puis tu es prêt à laisser la ville choisir quoi, tu es allé présenter ton idée hier au conseil de ville, puis si on te parle aujourd'hui, c'est que ça n'a pas viré comme tu voulais. Pas du tout. Juste pour donner une idée, si on a du temps, Fred, j'ai demandé tout de suite la deuxième, par la suite, 530, et pour faire l'histoire vite, j'ai demandé une deuxième opinion, et là-dessus, j'ai eu 1200 partages, 1152 partages en à peu près 3 jours, puis je voyais ça très gros. Bref, on arrive hier au conseil de ville. Moi, je m'étais entendu, j'avais dit aux gens, si jamais j'obtiens 1000 partages en une semaine, je vais interpeller le maire Richard Bert. Au conseil municipal, et tout bonnement, je lis ma présentation comme j'avais fait, et ainsi de suite. Et malheureusement, le maire Hébert, heureusement, comme semblait dire que Mario Pelcha, c'était ni plus ni moins qu'une personne comme un autre qui s'est distinguée comme d'autres personnes sur la scène locale se sont distinguées. Et là-dessus, je peux dire que, tu sais, aller à Thetford, aller à Rouyn-Noranda, aller à Rimouski, dans un Tim Hortons, tout le monde connaît Mario Pelcha. Et il joue sur toutes les scènes, toutes les stations de radio. Donc, c'est pas dur de dire que Mario Pelcha est le plus grand ambassadeur de Dolboom City. Ah non, c'est très facile. Mais est-ce qu'il y a de quoi de personnel, à ce que tu saches, entre des gens du conseil municipal et Mario Pelcha? Est-ce qu'on a un malaise parce qu'il est encore vivant? Je sais qu'à une certaine époque, là, on sortait tout le temps cet argument-là. Oh, on l'honorera le jour où il sera mort. Moi, je posais la question au maire Hébert là-dessus. Mais de là à mettre Mario Pelcha sur le même piédestal que... Et ça, je veux faire bien attention, là. Ça n'enlève rien aux gens qui se sont distingués sur la scène locale que le maire Hébert a nommé, là. Sauf que Mario Pelcha, c'est pas dur à comprendre, là. Comme je disais tout à l'heure, il est partout de sa province, il est connu. Donc, est-ce qu'il y a de quoi de personnel? Je sais pas. C'est la question qu'on doit poser au maire Hébert. Mais moi, je peux dire en affaire que de le mettre et de nommer Jimmy Doucette pratiquement au même niveau que Mario Pelcha. Ça, Jimmy, c'est le gars de la maison coupée en deux, c'est ça? Ben, c'est le gars qui... et ça, c'est en tout respect pour Jimmy encore. Oui. C'est le gars qui est à vieille pulpérie, qui fait des... Qui a émis des... qui écrit des pièces de théâtre. Également, ses produits ici à Dolbeau-Missassini. Une maison, je pense, du côté de Québec, un petit peu. Il donne des cours de théâtre également aux gens de Québec. Mais Jimmy Doucette, est-ce qu'il est connu à Montréal? Jimmy Doucette, est-ce qu'il est connu à Rimouski, à Rouyn-Noranda? Est-ce qu'il se fait 30 ans qu'il joue? Puis c'est pas pour dénigrer Jimmy. Ben non, mais c'est pas la même ampleur et envergure. Ben non, c'est facile à comprendre. Donc, c'est très, très facile à comprendre. Il me semble que ça prend pas un secondaire 5 pour comprendre ça. C'est quoi la prochaine étape? Ben moi, la prochaine étape, écoute, ce qui est très important de mentionner, si je me suis présenté hier, c'est parce qu'il y avait 1150 personnes qui ont donné mon accord. Moi, là, Danny Veilleux, je suis avec le messager. J'ai rien à recevoir de ça, ça ne me donne rien. La prochaine étape pour répondre à ta question, Simon, c'est qu'après les fêtes, tout simplement, je vais demander encore à la population, comme j'ai fait depuis le début, est-ce qu'on continue dans le dossier Mario Pelcha ou on arrête? Si on continue, ce sera la population de décider, tout simplement. Est-ce que Mario est au courant de la démarche qui est entreprise dans son coin? Oui, il a réagi publiquement également sur Facebook. Il se disait flatté un peu, qu'il disait qu'il faisait pas ça pour les honneurs et ainsi de suite. Mais ça, il n'y a personne qui fait ça pour les honneurs non plus. Là. OK, bon, ben on suivra ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Salut, frère. Salut. Bye. Danny Veilleux, qui est journaliste sportif dans le coin du Haut-du-Lac, mais qui a décidé de prendre ça en main. Cette histoire-là, moi, je trouve pas que c'est une mauvaise idée. Regarde, c'est pas une grosse histoire là, d'honorer des personnalités, mais je trouve ça important d'honorer des gens qui viennent d'ici, qui continuent à répéter sur la scène nationale, qui viennent du Lac-Saint-Jean, qui viennent du Saguenay et qui n'ont pas peur de leurs origines, qui sont des inspirations aussi dans certains cas pour des gens de la place. Je sais qu'il y a peut-être, mais c'est pas si lointain, là, il y a une dizaine d'années, là, à chaque fois que quelqu'un avançait ces idées-là, on disait « Ah! » Comme ici, on a la toponymie du Québec. On veut que les gens soient décédés avant d'honorer leur nom, soit sur une rue ou encore un édifice public. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi on a décidé à l'Université du Québec à Chicoutimi de ne pas nommer l'aréna Pierre Lavoie. Là. L'aréna de Lucac était supposée s'appeler l'aréna Pierre Lavoie. C'est le maire qui avait annoncé ça. Mais Lucac en a décidé autrement en raison de la commission de la toponymie. Pourtant, il y a plein d'autres choses. Le centre d'excellence Marc Gagnon, patinage de vitesse. Ouais. Le centre Mario Tremblay à Alma. La salle de spectacle Michel Côté à Alma également. Puis, regarde, si tu t'en vas dans les différentes régions du Québec, tellement d'arénas qui sont nommés en fonction de bâtisseurs locaux. Ouais, et c'était où, Marcel Aubut? Non, ils viennent de l'enlever, là. Il y avait un aréna au Québec qui était nommé en l'honneur de Marcel Aubut, puis ils viennent de changer le nom. C'est toujours le danger qui arrive de quoi? De très gros, qui déshonore cette personnalité-là et qui met la population d'une place un petit peu entre deux chaises.